إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous commençons aujourd'hui, inshallah, le sixième pilier de la foi, toujours dans les explications du hadith numéro 2 des Arba'in al-Nawawiyya. Nous en sommes donc au cours numéro 30, Inch'Allah. Concernant donc les explications de ce sixième pilier de la foi qui est l'Iman bil-Qadari, la foi au destin. Il dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, الركن السادس الإيمان بالقدر والقدر هو سر الله جل وعلا. Le Cheikh hafidhahullah dit donc le sixième pilier de la foi qui est la foi au destin, et le destin c'est le secret d'Allah le Très-Haut. Donc il a nommé le destin comme étant le secret d'Allah le Très-Haut. Et cela est pris en fait du hadith qui est rapporté donc selon Ibn Umar radiallahu anhuma, qui a été rapporté par Abu Na'im fil Hilya. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la takallamu fil qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne parlez pas sur le destin, فَإِنَّهُ سِرُّ اللَّهِ, car c'est le secret d'Allah. فَلَا تَفْشُوا سِرَّهِ, donc ne divulguez pas donc son secret. Donc c'est pour cela que le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah donc a nommé le, donc que le qadar, le destin, donc c'est le secret d'Allah. وَالْقَدَرُ هُوَ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ مِمَّا كَانْ وَمَا يَكُونْ إِلَىٰ أَنْ تَقُمِ السَّاعَةِ جَرَى الْقَلَمْ بِالْمَقَادِيرِ وَكُتِبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا هُوَ كَائِنْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Donc il dit le Cheikh hafidhahullah, il dit donc le destin, c'est ce que Allah Azza wa Jal, c'est yani la prédestination d'Allah envers ses créatures, selon son savoir antécédent et ce qu'a impliqué sa sagesse, yani c'est donc ce qu'Allah Azza wa Jal donc a prédestiné sur ce qui était et ce qui sera jusqu'à l'arrivée de l'heure. Donc la plume a écrit tout ce qu'Allah Azza wa Jal donc a destiné, a prédestiné. Et tout a été écrit donc dans la table préservée sur ce qui était et ce est et sera donc jusqu'au jour de la résurrection. فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ إِلَّا بِقَدَرٍ. Donc rien n'arrive excepté que Allah Azza wa Jal l'a décrété. D'accord ? Rien n'arrive excepté que Allah Azza wa Jal l'a décrété. Le Cheikh Hafidhahullah donc mentionne ensuite la parole d'Allah le Très-Haut, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. La traduction du sens du verset 49 de Sourate Al-Qamar, nous avons créé toute chose avec mesure. Nous avons créé toute chose avec, yani avec mesure. C'est la traduction du sens. فالأمور ليست عبثا أو عنفا بل هي مقدرة من قبل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Donc il dit ensuite le cheikh Hafidahullah. Donc ce qui arrive donc ne sont pas des choses faites en vain. D'accord? Faites en vain. Ou bien c'est arrivé comme ça. Mais c'est décrété par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a décrété cela bien avant. D'accord? A décrété cela bien avant. Et ensuite, il mentionne le verset de 22 de Sourate al-Hadid dans la traduction du sens. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé. D'accord? Donc, Allah Azza wa Jal a déjà tout décrété et tout est écrit dans la tablette préservée de ce qui va arriver. D'accord ? قوله كتاب, le fait qu'Allah Azza wa Jal dise, donc, que dans la traduction du sens de ce verset-là, de Sourate al-Hadid, qu'il ne soit enregistré dans son livre, il dit هو اللوح المحفوظ. Le livre ici, c'est la tablette préservée. وقوله قبل أن نبرأها, avant que nous l'ayons créé, donc c'est la traduction du sens du verset, يعني نخلقها, donc il dit, et donc nous l'avons créé, et donc le fait qu'Allah Azza wa Jal a l'a créé, cette chose-là, donc soit, donc et se mette à exister. والإيمان بالقدر على أربع مراتب. La foi au destin, la foi au destin comprend 4 points. D'accord ? Comprend 4 points. المرتبه الاولى, donc le premier point, الايمان بعلم الله جل وعلا الازلي الابدي المحيط بكل شيء, اي نعتقد ان الله علم كل شيء, علم ما كان وما يكون. Donc ça c'est, donc on a dit il y a 4 points donc dans la croyance au, dans la croyance au destin. Il y a 4 points dans la croyance au destin. La foi au destin comprend 4 points. Le premier point, c'est la science. La science, d'accord, c'est croire qu'Allah, c'est croire qu'Allah a connu toute chose. C'est croire qu'Allah a connu toute chose de façon globale et détaillée dans un infini passé et futur, soit en relation avec ses actes ou ceux de ses serviteurs. Donc c'est pour cela que il dit le cheikh Hafidahullah, il dit c'est que l'on croit qu'Allah savait toute chose. Il savait ce qui était et ce qui sera. D'accord ? Donc ça, barakallahu fikum, c'est donc là le premier point de la foi au destin, qui est donc la science. Le premier point, c'est la science. Al-martabatu thaniya, le deuxième point, c'est donc al-iman bi anna Allah kataba fi al-lawh al-mahfouz ma huwa ka'in ila yawm al-qiyama. Le deuxième point, donc, c'est donc c'est la foi. Donc, c'est ça concerne l'écriture. C'est croire qu'Allah a écrit tout sur la tablette préservée auprès de lui. D'accord ? C'est qu'Allah Azza wa Jal a écrit tout sur la tablette préservée auprès de lui. Sur ce qui sera jusqu'à, yani, sur ce qui est, donc jusqu'au jour de la résurrection. Donc le premier point, d'accord, c'est la science. On a dit la foi au destin comprend 4 points. Le premier point, c'est la science, d'accord, croire qu'Allah a connu toute chose de façon globale, détaillée, dans un infini passé et futur, soit en relation avec ses actes ou ceux de ses serviteurs. Donc comme disait le cheikh, c'est que l'on croit qu'Allah savait toutes choses et savait tout ce qui était et ce qui sera. D'accord ? Ça c'est le point concernant la science. D'accord ? La science d'Allah, le Très-Haut. Le deuxième point, c'est la foi, c'est le fait de croire qu'Allah a écrit dans la tablette préservée ce qui est jusqu'au jour de la résurrection. D'accord ? C'est de croire donc le deuxième point que Allah a tout écrit. C'est de croire donc qu'Allah a tout écrit. D'accord ? Sur la tablette préservée près de lui, sur ce qui est jusqu'au jour de la résurrection. Le troisième point, al-martabatu thalitha, martabatu al-mashi'a wal-irada. Le troisième point, c'est le point de la volonté. D'accord ? C'est le point de la volonté. Ma sha'ahu Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ce qu'Allah veut, eh bien, est, et ce qu'Allah ne veut pas, n'est pas. D'accord ? Donc ça, c'est le troisième point sur la volonté. C'est croire que toutes les choses créées n'existent que par la volonté d'Allah. D'accord ? N'existent que par la volonté d'Allah. Donc, donc ce que Allah veut, eh bien, est. Et ce que Allah ne veut pas, n'est pas. Al-martabatu rabi'a, le quatrième point, c'est martabatu khalqi al-ashya fi awqatiha al-muqaddara laha, al-muqaddarati laha. Kullu shay'in fi waqtihi, kullu shay'in fi hinihi alladhi qaddarahu Allah jalla wa ala. Fala khaliqa ma'ahu subhanahu wa ta'ala. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال والله خلقكم وما تعملون فتؤمن بأن كل شيء فهو مخلوق لله عز وجل. Le quatrième point concerne donc la création des choses qui sont créées en leur temps, d'accord ? En leur temps et avec leur mesure. Toute chose, d'accord ? Est créée en son temps. Toute chose est créée en son moment. Celui dont Allah a décrété. Celui dont Allah le Très-Haut a décrété. Donc il n'y a pas d'autre créateur avec Allah le Très-Haut. Il n'y a pas d'autre créateur avec Allah le Très-Haut. Donc il n'y a pas d'autre créateur avec Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut a dit dans Sourate Az-Zumar, dans la traduction du sens du verset, donc c'est la traduction du sens du verset 62, donc de Sourate Az-Zumar. Allah est le créateur de toutes choses. Et de toute chose, il est garant. Allah est le créateur de toute chose, et de toute chose, il est garant. Wa qala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Donc, dans Surat As-Safat, le verset 96, dans la traduction du sens du verset 96, et Allah vous a créé, vous et vos œuvres. فَتُؤْمِنُوا بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فَهُوَ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Donc c'est que tu crois donc, d'accord, que toutes les choses existantes, concrètes ou abstraites, sont des créatures d'Allah, dans leurs essences, leur caractère et leur mouvement. هَذِهِ مَرَاتِبُ الْإِيمَانِ بِالْقَضَى وَالْقَدَرِ. قال الله جل وعلا. Donc cela, donc, ce sont les points concernant Ce sont les points concernant donc la prédestination. D'accord ? Et de ce qu'Allah Azzawajal a décrété. قال الله جل وعلا الله le très haut a dit ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Donc cela, ce verset est le verset donc 7 de Sourate Al-Mujadala. Et dans la traduction du sens, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. Et Allah le Très-Haut a dit. Donc ça c'est le verset que nous avons cité tout à l'heure. Verset 22 de Sourate Al-Hadid, en traduction du sens. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé. Donc, ici le Cheikh Hafidhullah avait mentionné donc, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre. Donc il mentionne ici, il souligne bien le fait que le livre ici c'est وَهُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوذُ, c'est la tablette préservée. Min qabli an nabra'aha, avant que nous l'ayons créé. D'accord ? Donc ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre qui est donc la tablette préservée avant que nous l'ayons créé. Donc tout malheur qui a atteint la terre ou vos personnes a déjà été décrété par Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et cela est écrit donc dans la tablette préservée. D'accord ? Donc il dit le Cheikh, min qabli an nabra'aha, avant que nous l'ayons créé, ay nakhluqaha. Donc avant que nous l'ayons créé, fa hiya maktuba qabla an tukhlaq. Cela est écrit avant qu'il ne soit créé. Cela est écrit avant qu'il ne soit créé. إن ذلك على الله يسير. Ensuite, lorsque continue le verset 22 de Sourate Al-Hadid, la traduction du sens, et cela est certes facile à Allah. Puis ensuite, dans le verset 23, لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Cela, lorsqu'on relit ces versets-là de Sourate Al-Hadid, les versets 22 et 23, c'est important pour bien méditer et bien comprendre, Inch'Allah. Dans la traduction du sens, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé, et cela est certes facile à Allah, c'est-à-dire avant que ce malheur-là soit créé, il était déjà écrit dans la tablette préservée. Ensuite, on continue. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Il dit le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidahullah, فَلَا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَ وَمَا نَقُصَ مِنْ مَالِكَ ou أولادك ou مما تحب. Donc ne sois pas triste sur ce qui t'a échappé, ce que tu as raté, ce qui t'a échappé ou ce qui a diminué de ton argent ou bien de tes enfants. ou bien de ce que tu aimes. وَلَا تَفْرَحْ فَرَحَ الْأَشِيرِ وَالْبَطْرِ وَالْكِبْرِ بِمَا أَتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْمَالِ. N'exulte pas donc, ne sois pas heureux, pas heureux, parce que c'est ce qu'il va expliquer par la suite le shir, Allah. Il y a deux types, le fait d'être content, il y a deux types. Le fait d'exulter, cela de la façon de l'arrogant pour de l'argent que, il y a cette subsistance-là, de l'argent que Allah Azzawajal t'a donné, et bien tu exultes cela de façon arrogante, d'orgueilleux, plein de glorioles. أَمَّا الْفَرَحُ بِفَضْلِ اللَّهِ فَهَذَا مَحْمُودٌ. Mais le fait que es-tu content de par la faveur d'Allah, le Très-Haut sur toi, cela est une bonne chose. تَشْكُرُ اللَّهِ وَتَفْرَحُ بِمَا أَعْتَاكَ اللَّهِ. Tu remercies Allah et tu es content de ce qu'Allah Azzawajal t'a donné. Donc tu reconnais la faveur d'Allah Azzawajal sur toi. D'accord ? La bonté d'Allah Azzawajal sur toi. Et non pas Allah Azzawajal, il te donne, et toi, tu te mets à agir avec arrogance. Mais le fait d'être heureux, d'être content, comme celui qui devient arrogant parce qu'Allah Azzawajal lui a donné, eh bien, cela n'est pas permis, est interdit. Qala ta'ala, la tafrah, inna Allah la yuhibbu al-farihin. Donc c'est dans Sourate Al-Qasas et c'est le verset 76. Donc dans la traduction du verset 76 de Sourate Al-Qasas, Allah le Très-Haut a dit: ne te réjouis point car Allah n'aime pas les arrogants. D'accord. Et dans Sourate Al-Ra'd, ensuite le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah, donc il mentionne le verset donc 26. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Et ils se sont réjouis de la vie d'ici-bas, alors que la vie d'ici-bas, dans le delà, n'est qu'un instant. D'accord ? N'est qu'un instant. فَالْفَرَحُوا عَلَى قِسْمَيْنِ. Donc, le fait d'être content est de deux types. فَرَحٌ مَذْمُومٌ. Donc c'est il y a le fait d'être content qui n'est pas permis, d'une façon qui n'est pas permise, c'est de celui qui le fait avec arrogance, donc qui devient arrogant, d'accord, lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui donne, d'accord. وَفَرَحُ مَحْمُودٌ وَهُوَ الْفَرَحُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Il y a deux types donc de le fait d'être content, d'être de se réjouir. Il y a une réjouissance qui n'est pas permise. C'est le fait que l'individu devient arrogant lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui donne, d'accord. Et il y a une réjouissance qui est permise, d'accord, qui est bonne. C'est le fait de se réjouir de la bonté d'Allah et de sa miséricorde. C'est le fait d'être content des faveurs d'Allah sur lui, qu'Allah Azza wa Jal nous donne à son serviteur. C'est que le serviteur se réjouisse de la faveur qu'Allah lui a donnée, d'accord, et de la miséricorde d'Allah Azzawajal sur lui. Ensuite, il mentionne donc le verset donc 58 de Surat Yunus, dans la traduction du sens, où Allah Azzawajal a dit « Ceci provient de la grâce d'Allah, hein, de la faveur d'Allah, de la bonté d'Allah, et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. » D'accord. وَإِذَا آمَنَ الْإِنسَانُ بِالْقَضَى وَالْقَدَرِ اسْتَرَاحَ. Si l'individu croit à la prédestination, au destin, eh bien, il se sent apaisé. فَلَا يَحْزَنُ عَلَى مَا فَاتَ وَلَا يَفْرَحُ بِمَا أُعْتِيَ فَرَحًا يُخْرِجُهُ عَنِ الْإِعْتِدَالِ. Donc celui qui croit en la prédestination, donc au destin, eh bien, il se sent apaisé. D'accord ? Il se sent apaisé. Donc, il ne devient pas triste sur ce qui lui a échappé et il ne se réjouit pas d'une façon qui le fait sortir du comportement d'être juste, d'accord. Il se réjouit pas d'une façon arrogante, d'accord, qu'il devient arrogant de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, d'accord. Donc il est apaisé, il croit au destin, il sait que tout ne provient d'Allah Azza wa Jal, il sait que Allah Azza wa Jal a déjà tout décrété, d'accord. Donc il n'est pas triste sur ce qui lui a échappé, d'accord. Et il ne se réjouit pas pour ce qu'il a donné d'une façon qui le fait sortir donc d'un comportement juste. Amma alladhi la yu'min bil qada wal qadar fa innahu yaz'u wa yaskhatu idha fatahu shay'un wa yatakallamu bi kalam qabih aw yaf'alu fi'lan qabihan kalatmi al khudud wa shaqq al juyub wa da'wa al jahiliya 'inda al masa'ib لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر وليس براد ما فاته ولو جزع ولو سخط ولو لطم خده وشق جيبه فلن يعيد ما فاته لكن تحصل عليه المصيبة ويفوته الأجر أيضا. Donc il dit le cheikh حفظه الله. Donc tandis que celui qui ne croit pas au destin, celui qui ne croit pas au destin, d'accord, à la prédestination, eh bien, lorsqu'il lui arrive quelque chose, ou lorsqu'une chose lui échappe, eh bien, il se met à avoir un très mauvais comportement, et à se mettre à dire des mauvaises paroles, ou bien faire des choses très mauvaises. Donc comme le fait de se griffer les joues, ou bien se déchirer les vêtements, d'accord, ou bien dire des choses donc qui font partie de la période pré-islamique, la jahiliya, lorsque un malheur arrive, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas au qada et au qadar, il ne croit pas au destin, il ne croit pas à la prédestination. Alors que même qu'il ait ce comportement-là, ces mauvais comportements et tout ce qu'il fait de mauvais, toute parole mauvaise qu'il dit, tout cela ne va pas rendre ce qui lui a échappé. D'accord ? Même s'il se griffe le visage, même s'il se déchire ses vêtements, d'accord ? Tout cela ne va pas rendre ce qui lui a échappé ou ce qui ne lui a pas été donné. D'accord ? Ce qui lui arrive, c'est un malheur. Il rate une récompense énorme. D'accord ? La récompense de patienter sur cela. Il sait que tout ne provient que d'Allah Azza wa Jal. Tout est décrété, prédestiné par Allah Azza wa Jal. Tout est déjà écrit, tout ce qu'il va arriver. D'accord ? Donc le fait qu'il ne croit pas à cela, eh bien il va avoir ce mauvais comportement-là et il va passer à côté, donc, d'accord, d'une énorme récompense. Ama alladhi yu'minu bil qada wal qadar wa yasbiru ala ma asabahu wa ya'lamu annahu min 'indillahi wa anna ma sha'a Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun fa innahu yastarih. Tandis que celui qui croit à la prédestination, qui croit au destin, que tout a déjà été décrété par Allah le Très-Haut, que tout a déjà été écrit avant que ce ne soit créé par Allah le Très-Haut. D'accord ? Que tout a été déjà écrit, donc, dans la tablette préservée. Eh bien, il sait, il croit à la prédestination, il croit au destin, eh bien, il patiente sur ce qui lui arrive. Et il sait que cela ne provient que d'Allah. Et il sait que ce qu'Allah veut, eh bien, devient, Et ce qu'Allah ne veut pas, eh bien, n'est pas. D'accord? Eh bien, alors, il devient apaisé, il s'apaise. Il est apaisé. D'accord? Il est apaisé, il n'a pas le mauvais comportement comme celui qui ne croit pas. وكذلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف فلا يجاهد في سبيل الله ولا يطلب الرزق لأنه يخاف من كل شيء فينحبس عن الأعمال من الخوف أما إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يمضي في الجهاد في سبيل الله ويمضي في طلب الرزق ويكل الأمور إلى الله جل وعلا وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أخرجه الترمذي وأحمد في المسند وأبو يعلى في مسنده. Donc il dit le cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, il dit eh bien, et c'est donc il a mentionné ici les différents cas de celui qui croit au destin, celui qui ne croit pas au destin. Donc celui qui ne croit pas au destin, comment il va se comporter, mauvais comportement, il suffit qu'il rate quelque chose ou qu'il n'a pas quelque chose, il va se mettre à avoir un mauvais comportement, il va se mettre à se taper dessus, se griffer les joues, d'accord, à se déchirer les vêtements comme certains font lorsque quelqu'un meurt. Ils se mettent à faire cela, à crier de toute leur force, à se déchirer les vêtements, à se griffer le visage, à dire des mauvaises paroles. Parce qu'ils ne croient pas au destin. Ils ne croient pas à la destination, à la prédestination. Ils ne croient pas en cela. Tandis que le croyant... Donc eux, ils vont avoir un mauvais comportement. Voilà. Il suffit qu'il leur arrive quelque chose de mauvais, eh bien ils vont avoir des mauvais comportements. Tandis que le croyant qui croit à la prédestination, qui croit au destin, eh bien lui, il patiente lorsqu'il lui arrive quelque chose. Sur ce qui lui arrive, il patiente. Il sait que ça provient que d'Allah. Et il sait que ce que Allah veut, eh bien, devient. Et ce que Allah ne veut pas, n'est pas. Et ne sera pas. Eh bien, il sait cela. Il croit au destin, il croit à la prédestination. Il croit que tout a déjà été décrété par Allah Azza wa Jal et que tout a déjà été écrit sur les tablettes préservées, sur la tablette préservée. D'accord ? Eh bien, il est apaisé. Voilà le croyant, il est apaisé. D'accord ? Et, tandis que celui qui ne croit pas au destin, à la prédestination, il se met à être touché par la lâcheté, par la peur. D'accord ? Donc, il ne va pas combattre dans le sentier d'Allah. Donc le jihad ici, donc le jihad, le combat dans le sentier d'Allah, on parle bien sûr, je le répète constamment, c'est le combat, le jihad qui est légiféré. D'accord ? Le jihad qui est légiféré. D'accord ? Tous les actes de terrorisme, de barbarie et tout cela n'ont rien à voir avec l'islam. D'accord ? Le jihad fait partie de l'islam, mais il a des règles. D'accord ? Il y a une législation du jihad d'Allah le Très-Haut. D'accord ? Allah le Très-Haut a légiféré le jihad. D'accord ? Cette législation-là, elle provient d'Allah le Très-Haut. D'accord ? Donc, on ne fait pas le jihad n'importe comment. D'accord ? Et le jihad qui est légiféré, le combat dans le sentier d'Allah, ne se fait que sous l'autorité d'un gouverneur musulman qui tient les rênes et la gouvernance de son pays et qui l'ordonne à son armée. D'accord ? Cela, c'est légiféré. D'accord ? Ce n'est pas ce qui se passe actuellement aujourd'hui. D'accord ? Donc, tous les terroristes, ce qu'ils font, tout cela n'a rien, strictement rien à voir avec l'islam, la religion complète et claire d'Allah le Très-Haut. D'accord ? Barakallahu fikum. Donc, celui qui ne croit pas au destin et à la prédestination, eh bien, il se met à être touché par la peur, par la lâcheté, d'accord? Et il ne va pas combattre dans le sentier d'Allah lorsque le djihad légiféré, d'accord? Eh bien, lorsqu'il y a le djihad légiféré, donc il ne va pas participer à cela. Il ne va pas rechercher la subsistance, d'accord? Parce que il a peur de toute chose, d'accord? Donc il va s'enfermer et il va se, yani, éviter d'œuvrer par peur, d'accord? أما إذا دونك ensuite il dit le Cheikh Salah al-Fawzan حفظه الله أما إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يمضي في الجهاد في سبيل الله. Tandis que s'il croit au destin, il croit à la prédestination, alors il ira dans le jihad, dans le sentier d'Allah, d'accord. ويمضي في طلب الرزق, et il cherchera à il recherchera la subsistance, d'accord. ويكل الأمور إلى الله جل وعلا, et il donc placera sa confiance, d'accord, il sait que toute chose n'arrivera que par permission d'Allah le Très-Haut, donc il œuvre tout en plaçant sa confiance en Allah le Très-Haut, d'accord. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, donc ensuite il mentionne le cheikh Salah al-Fawzan حفظه الله, donc le hadith du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم qui a dit à Ibn Abbas radiallahu anhuma, si tu demandes, alors demande à Allah. Et si tu recherches l'aide, recherche-la d'Allah. D'accord? Et sache que si toute la communauté se réunissait afin de te bénéficier d'une chose, ils ne te bénéficieront que d'une chose qu'Allah t'aura décrétée. Et s'ils se réunissaient afin de te nuire d'une chose, ils ne te nuiront que d'une chose dont Allah t'aura décrétée, aura écrit que cela t'arrivera. La plume est la plume est levée et les pages ont séché. فالإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان قوة العزيمة. Donc la foi au destin et à la prédestination mène l'individu à avoir la force de ce courage-là, la force dans la foi, et cette force-là qui est dans la confiance en Allah, le Très-Haut. يعرقله عن كثير من الأعمال فيصاب بالتردد والأوهام والوساوس فلا يقدم على شيء خوفا من أن يكون كذا أو يكون كذا ويترك الأمور النافعة خوفا من أن يصيبه كذا وكذا لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. Donc il dit le Cheikh حفظه الله, tandis que celui qui voilà ce que mène donc la croyance donc au destin, d'accord, à la prédestination, elle mène l'individu à avoir donc la force dans la détermination, dans la foi, dans la confiance en Allah le Très-Haut. Et le fait de ne pas avoir la foi en la destination, au destin et à la prédestination, mène l'individu à avoir des mauvais comportements lorsqu'un malheur le touche, ou bien le détourne à œuvrer. Donc il se met à être touché par le fait d'hésiter, d'avoir des wasaws ou des insufflations comme ça. Il se met à douter, à avoir des insufflations, et donc il n'avance pas par crainte. Par crainte que s'il fait cela, eh bien peut-être que et ce sera comme ça, et donc il se met à délaisser les choses bénéfiques par peur qu'il lui arrive telle chose et telle chose. Pourquoi ? Car il ne croit pas, donc au destin et à la prédestination. فَمَا قَضَاهُ اللَّهُ وَقَدَّرَهُ لَبُدَّ أَنْ يَحْصُلَ سَوَاءً خَرَجْتَ أَوْ لَمْ تَخْرُجْ سَوَاءً فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ فَتَعْتَسِمُ بِاللَّهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَتَتْرُكُ الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc il dit, le Cheikh Salah Al-Fawzan hafizahullah, ce qu'Allah a décrété, ce qu'Allah le Très-Haut donc a décrété, eh bien cela arrivera obligatoirement. Que cela arrivera donc obligatoirement. Que l'individu sorte ou qu'il ne sorte pas, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, eh bien, tu t'accroches en cette confiance en Allah Azza wa Jal que tu dois avoir. Tu dois avoir cette forme, cette force et cette ferme confiance en Allah, le Très-Haut. D'accord ? فَتَعْتَسِمْ بِاللَّهِ. Donc, tu t'accroches donc à l'ensolide d'Allah, le Très-Haut. Et tu places ta confiance en Allah. Et tu laisses le fait que... Le fait que tout ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété, eh bien c'est Allah Azza wa Jal qui a tout décrété. Donc Allah Azza wa Jal a déjà tout décrété. D'accord ? Tu crois donc au destin, tu crois à la prédestination. D'accord ? Donc ce qu'il y a, c'est que tu te rappelles que tu sortes ou que tu ne sortes pas, que tu fasses ou que tu ne fasses pas. D'accord ? Il arrivera, il est obligatoire qu'il arrivera tout ce qu'Allah, le Très-Haut, a décrété. Car Allah Azza wa Jal a déjà tout décrété, il n'arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Donc que tu sortes ou que tu sortes pas, que tu fasses ou que tu fasses pas, eh bien, il n'arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Donc, tu places ta confiance en Allah, d'accord ? Et tu laisses, donc, le destin, la prédestination à Allah le Très-Haut. وَإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ لَا تَجْزَعْ لَا تَجْزَعْ. Donc si une chose t'arrive, donc ne te mets pas à avoir donc un mauvais comportement, à t'attrister, etc. وَلِهَذَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ احْرِسْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ مَا شَاءَ فَعَلْ. وفي رواية قَدَرَ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. Donc il dit, le Cheikh Salah Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc il dit donc, œuvre, place ta confiance en Allah le Très-Haut et ne commence pas à avoir un mauvais comportement ou à douter ou quoi que ce soit lorsqu'il t'arrive quelque chose. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ahris ala ma yanfa'uka wa sta'in billah wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. وَفِي رِوَايَةٍ قَدَرَ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. Donc le prophète sallam a dit, eh bien, donc œuvre pour tout ce qui t'est bénéfique et place ta confiance en Allah et recherche l'aide d'Allah. D'accord ? Demande l'aide à Allah. Donc œuvre dans tout ce qui t'est bénéfique et demande l'aide d'Allah. D'accord ? Et donc, ne recule pas. Yani, ne commence pas à reculer ou à douter. Si une chose t'arrive, si un malheur t'arrive, d'accord ? Ne dis pas si une chose arrive, donc sur ce que tu es avancé. Donc ne dis pas si j'avais fait cela, eh bien cela aurait été comme ça et comme ça. Mais dis ce qu'Allah a décrété. Cela est ce qu'Allah a décrété. Et Allah a fait ce qu'il veut. D'accord ? Donc ça c'est qadarullah wa ma sha'a fa'al. C'est le décret d'Allah et ce qu'Allah a voulu, eh bien il l'a fait. Et qadarallah wa ma sha'a fa'al, dans une autre narration. Donc c'est ce qu'Allah a décrété et ce qu'il a voulu, d'accord ? Eh bien il l'a fait. فإذا بذلت السبب ولم يحصل المقصود فاعلم أن الله لم يرده وأنت لا تدري ربما أن الخير في عدم حصوله والله جل وعلا حكيم فأنت تؤمن بالله وبقضائه وقدره وتصبر على المصائب وتصبر على المصائب. Donc ensuite le cheikh il dit, hafizahullah, il dit, donc si tu as fait les causes, si tu as fait les causes et que tu n'as pas obtenu, tu n'as pas atteint donc le but pour lesquelles tu as fait ces causes là, d'accord, eh bien sache que Allah ne le veut pas et toi tu ne sais pas. Peut-être que le bien est que tu n'as pas cette chose-là, tu n'atteins pas cette chose-là. Et Allah, le Très-Haut, est sage. Et toi, tu crois en Allah, et tu crois en sa prédestination, et tu crois en ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété, donc tu patientes sur les malheurs. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, et ça fera une heure. D'accord, on continuera donc la foi à la prédestination, donc au destin, qui est le sixième pilier de la foi. Donc nous continuerons, Inch'Allah, donc, barakallahu fikum, nous continuerons, Inch'Allah, donc la semaine prochaine, bi'idhnillah, jazakumullahu khayran, wa subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilayk.